106.9 Mauricie vous présente Que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Votre référence en information. Que la Mauricie se lève. 6h02 minutes le jeudi 3 janvier 2019. C'est la première fois que je dis ça, j'ai presque eu peur de me tromper. 2019, bienvenue dans cette année si vous venez d'y arriver. Des fois, on sait jamais. Peut-être que le temps des fêtes était tough, puis peut-être que le premier était encore plus rough que le tough. Tu te réveilles, oh, c'est le 3 janvier. Mais ça se pourrait. Tout un choc. Tu ris, Marc-André, mais hier, j'ai dû signer des documents puis écrire la date. Puis tu sais, les premières fois, tu fais attention à la petite habitude de signer 2018. Non, non, non, 2019. Il va y avoir une couple de barbeaux qui vont se faire sur le 8 dans les prochains jours. Mais je suis content. J'ai la misère à faire des 8, honnêtement. C'est comme un de mes problèmes. J'ai la misère à faire des 8 comme il faut. Ben fait que, tu sais, un 9, c'est parfait. Je sais pas. Pas allé à l'école assez longtemps? Je sais pas si je vais les faire courber ou en boule. Ah, bon. Et qu'on en apprend sur nos collègues de travail. Qu'on veut pas savoir. Un autre pas en avant pour l'humanité. Tout à fait. Ceux que vous entendez s'esclaffer ce matin, c'est Claude Boucher qui est de retour aux nouvelles. Salut. Bienvenue dans la formation partante. Fait plaisir. Yeah. T'es le premier élément à revenir. Je reprends ma place. C'est ça. En ce qui me concerne, ben, je suis là jusqu'à demain. Bonne ou mauvaise nouvelle, en soit-il une pour vous. Et Mathieu Plante est toujours là? Oui, toujours jusqu'à demain, sûrement pour d'autres raisons que toi. Peut-être des mauvais gags ou quelque chose comme ça. On s'y connaît en mauvais gags. Ah, mais tu veux pas connaître Lémi. Okay. Je le dis tout de suite. Ouais, c'est une coche, j'irais-tu en haut ou en bas? Je vais y penser. Ouais. De qui? De toi? Ouais. C'est parce que si tu dis qu'il y a une coche en haut de toi, ça veut dire qu'il est vraiment pas bon pour les mauvaises blagues. Là. Ça dépend de quel bord tu le regardes. Non, mais une coche en haut en termes... comment je te dirais ça? D'intensité. OK. Tu comprendras tout au long de l'émission. Et t'es déjà assez intense là-dedans. Pour les gens qui te connaissent, c'est correct. Mais pour ceux qui te connaissent pas, à micro fermé, Marc-André, c'est un feu roulant de calembours. Non, je sais, je l'aime donc pour ça. Oui, mais des fois, c'est des jeux de mots. Tu sais, Guy Mongrain peut aller se rappeler. Ouais, mais Guy Mongrain. Ben, je t'assure qu'il a pris sa retraite comme ça. Ça me laisse une chance, une véritable voie libre pour m'exprimer. Il t'enlevait le spotlight pour les mauvais jeux de mots. Voilà. Là-dessus, pour vrai, bonne année 2019, chers auditrices et auditeurs. On espère vous compter encore très nombreux cette année sur cette antenne qui est le 106.9 Mauricie, que la Mauricie se lève. Donc, spécial du temps des fêtes qui se termine à 9h Giling, giling. Donc, on va se terminer tout ça vers 9h pour laisser la place ensuite à nos autres émissions du temps des fêtes. Aussi, je vous rappelle toujours que ça a été un fort succès vendredi dernier, parce que jeudi, le maire nous a annoncé une démission. Mm-hmm. Fait qu'on avait dû reporter l'émission, mais l'émission Best of, si vous voulez, les meilleurs moments du 106.9 Mauricie en 2018, ça vous est présenté entre midi et 14h par Raphaël Pepin. Donc, une occasion unique d'entendre Raphaël être vraiment libre, parce que c'est le nom de sa chronique le matin, mais là, il est vraiment libre. Et vous rappelez aussi les meilleurs moments. Et les... Souvent, quand on entend le best-of, on se dit, c'est vrai, il s'est passé ça aussi cette année. C'est un peu ce qui m'est arrivé vendredi avec Raphaël. Oui, surtout quand tu recules presque 12 mois en arrière, tu te rappelles pas de ça. Tu sais, à part l'encarte à l'abbaye, qu'on sait que ça fait un an que ça dure. Ouais. Des choses qui sont produites peut-être en janvier ou février qu'on a oubliées, mais qu'on nous ressort. Et là, c'est le cas de dire, c'est vraiment le best-of de l'année passée. Oui, c'est ça. Le temps est relatif. Hein? Plus tu recules loin dans l'année, plus tu as l'impression que c'était en 2017 ou 2016. Il y a des études qui ont déjà démontré que la mémoire collective de la population, en particulier au Québec, c'est 6 mois. Ah! À peu près. Ouais. Bon. Au-delà de 6 mois, là, si on commence à déliter ça du disque dur. Excusez l'expression anglophone, là, mais c'est ça. On fait copier-coller, non pas copier-coller, mais CTRL-ALT-SUPRÊME. Suprême, avec la crème fouettée dessus. Suprême, supprimé, supprime. Contrôle Alt Suprême. Écoute, c'est le 3 janvier, là. On peut dessus. Non, mais je vais la retenir, j'aime ça, je vais m'en servir. Contrôle Alt Suprême. Supprime. C'est vrai que tu te sens quand même assez maître de la situation quand tu contrôles Alt Suprême. Oui. Gloria Butcher. Alors, on délite ça. J'aime mieux déliter, tu sais. C'est ça, délite. Ça va bien plus vite que supprimer, voyons donc. Dans tous les sens du terme. Les détails métaux dans un instant, parce que ce matin, c'est plus compliqué que ce que je pensais que ce serait. Je peux-tu te raconter un fait vécu qui m'est arrivé ce matin? Bof, non. Tu sais, ça a un... Bon, salut. Bonne journée. Ben ouais, c'est quoi? On s'en parle à 9h dans, dans la salle de nouvelles. Ben écoute, c'est parce que ça a un lien avec la, la météo que tu vas faire dans les prochains instants, oui, et les conditions routières, parce que à l'heure que nous, on s'en vient le matin au travail, moi là, je suis rentré, je suis parti chez moi vers 4h20. Fait que tu sais, en temps normal dans l'année, il n'y a pas de monde sur la route. On s'entend-tu que le 3 janvier, il y a encore moins de monde sur la route? Ouais. Mais j'en ai croisé un petit clin. Oh, ce matin. Quoi, petit clin? Petit clin. Parce que, ben, tu sais, des petits clins quand il neige de même puis qui roulent trop vite, tu veux pas les rencontrer. Ben, j'en ai rencontré un ce matin. Sur Sainte-Marguerite, entre. Le chemin Sainte-Marguerite. Chemin Sainte-Marguerite, entre secteur Pointe-du-Lac et Trois-Rivières-Ouest. Ben, tu sais, il n'y a pas de monde. Puis le matin, je m'en viens quand même à une vitesse normale. Puis encore ce matin, avec la neige qui est tombée, je roulais moins vite que d'habitude. Mais c'est pas tout le monde qui a compris le message que quand il neige, faut que tu adaptes ta conduite. Ben, c'est ça. Tu sais, t'as quelques courbes sur un chemin Sainte-Marguerite. Ouais, ben, dans une courbe, je vois une voiture s'en venir vers moi. Et v'là-tu pas que quelques dizaines de pieds avant de me croiser, il perd le contrôle T'es pas sérieux? De sa voiture. Mais comme là, il faut? Oui, solide, comme il faut. Tu sais, là, je vois partir son arrière de char, là, il essaie de reprendre le contrôle, là, je me dis, hey, je me croise les doigts. Alors, job? Je me dis, hey, il faut que je passe sans qu'il arrive rien. Finalement, le moment où on s'est croisé, il est resté dans sa voie. Mais un coup l'avoir passé, j'ai regardé dans mes rétroviseurs et voulais-tu pas qu'il y avait là complètement fait ben il avait pas capoté, mais tu sais, il avait fait du spinning, tu sais. Puis il s'était retrouvé dans ma voie. Puis j'étais passé. Mais c'est ça. Tout ça pour vous dire, faites donc attention ce matin parce qu'il y a beaucoup neigé. Ben beaucoup, c'est relatif. Dans suffisamment les pour l'échapper. C'est compliqué. Puis d'ailleurs, sur les selon Transport Québec, le relevé des conditions routières, la plupart des routes de la région, c'est enneigé. Même les grandes artères, les autoroutes, c'est enneigé. Pas besoin de vous dire que les chemins secondaires comme chemin Sainte-Marguerite, c'est très glissant ce matin. Oui. Et c'est tout cas, je vais ajouter un élément à ça parce que avec les nouvelles voitures, ben en tout cas, une nouvelle voiture, disons, une certaine fenêtre, tu as des technologies là-dessus qui t'empêchent de déraper, où la voiture prend le contrôle un peu des roues, tu ne sers quasiment plus à rien comme conducteur et tout ça. Fait que je pense qu'en quelque part aussi, on se fie de plus en plus là-dessus en disant, attends, moi, je pèse sur le piton, ça va me conduire, puis même si je roule à 120, pas de trouble. C'est ça. Pendant que je conduis, ben, je peux texter, puis me maquiller, puis faire autre chose. Oui, la voiture va rester dans la voie. C'est ça. C'est vrai que c'est ironique quand même que les publicités nous disent de faire attention à ça, mais avec pas les concessionnaires, mais les fabricants de voitures nous encouragent quasiment. Ben, pas qu'ils nous encouragent, mais tu sais, c'est un fait que ce sont des mesures de sécurité. Ouais. Ce qui veut dire que prévenir d'éventuels incidents, mais reste que la principale mesure de sécurité, c'est entre tes deux oreilles. C'est le chauffeur, c'est ça. C'est ça. Ces mesures-là sont amenées pour aider le conducteur qui a toute son attention, pas pour prendre la place du conducteur. Voilà. Mais effectivement, ben écoute. Content de te savoir avec nous, d'une part. J'ai pas eu de dommages. Puis, de faire attention. Parce que finalement, c'est un courant d'air qui est passé à côté de moi, mais la personne, je pense pas qu'il y ait eu d'accident grave. Là, il y a eu juste une sortie de route là-dedans. Mais quand même. Ouais. Comme tu dis, quand même. Moi, j'ai pas d'auto, fait qu'anecdote de taxi, mon chauffeur a mis de la grosse musique boom boom de Dance Floor pendant que je m'en venais. Mais il se garder réveillé. C'était quoi? Je connais pas, du Pitbull. Ah ouais. Oh. Oui, j'ai sorti ça de matin. Pitbull. Fait que c'était dansons le Pitbull. Pitbull. Exact. OK, notre carrière de chanteur vient de s'arrêter là. Bon, on vient de perdre du monde, ça y est. Ben vous pouvez revenir dans quelques minutes. À peine on sera rétabli, tu sais, c'est le temps que les vapeurs du temps des fêtes passent, c'est tout ça. Je nous écoute chanter, puis on est quand même moins pire que les Milli Vanilli originaux. Ah oui. Tu sais, ceux qui empruntaient la voix d'autres, là, mais que leur vraie voix, c'était pas écoutable. Est-ce qu'on a l'original de Milli Vanilli? Est-ce qu'on sait comment ils chantaient pendant l'enregistrement? Écoute, je ne sais pas, mais je l'ai déjà entendu. Puis écoute, le gars, après le scandale, il y en a un des deux qui a essayé de faire carrière. Puis non. Claude n'approuve pas. C'est suffisant. Ah, j'étais pas tout seul à ne pas approuver, je peux te le dire. Dans les actualités que j'ai connues, mis à part les conditions routières, on va revenir sur cet accident survenu dans la nuit de mardi à hier dans le secteur de Louisville. Un homme qui circulait à pied sur l'autoroute 40 qui a été frappé par une voiture. Auparavant, les policiers avaient été appelés par des citoyens qui leur signalaient qu'un homme en état d'ébriété avait pris possession d'un véhicule sans permission. Ce qui se serait passé, c'est que le gars Ça a l'air, est parti, c'est un homme âgé d'une trentaine d'années, est parti d'une fête à Saint-Angèle-de-Prémont avec une voiture, mais comme je viens de le dire, n'avait pas le droit de conduire. Alors, il s'est rendu à Louisville, il s'est enlisé au bout de la rue Notre-Dame-Sud qui descend vers l'autoroute 40. Mais entre la rue Notre-Dame-Sud et l'autoroute, il y a un champ à traverser. Alors, il a enlisé la voiture, a traversé le champ à pied, s'est en allé vers l'autoroute et là est arrivé l'accident. Alors, l'homme repose toujours dans un état grave à l'hôpital. Mais, bonne nouvelle. OK, début de l'année 2019, comme à chaque année, on nous revient avec le premier bébé de l'année. Ben oui! C'est un classique. En Mauricie, c'est à 1h30 dans la nuit de mardi à hier que le premier bébé de l'année s'est pointé. Pas de mardi à hier, excuse, mais dans la nuit de lundi à mardi. Ouais, je trouvais qu'il avait pris pas mal de temps. Ouais, effectivement. Alors, Morgane Plante s'est pointé le bout du nez à l'hôpital de Trois-Rivières-Turie, mais c'est déjà arrivé qu'on a dû attendre une journée ou deux pour avoir le premier bébé de l'année dans la région. T'es en train de dire que les plantes sont lentes, c'est ça? Hein? Je m'appelle Plante, moi aussi. Ben oui, je attention. Sais. Attention. Inquiète-toi pas, je te planterai pas. Quand je parlais de mauvais jeu de mots, on vient d'en avoir un méchant exemple. Alors donc, le premier bébé de l'année, Morgane Plante, est né à l'hôpital de Trois-Rivières. Les heureux parents sont Debbie Gauthier et Jean-Sébastien Plante. Morgane est le cinquième enfant de cette famille reconstituée. Tout ce beau monde est revenu à la maison et tout le monde va super bien. Au Québec, le premier bébé de l'année est né à Montréal à 00h14 au CUSUM et le premier bébé canadien à Toronto à 00h pile. Hey! Ben voyons! Chanceux. Et donc bien précis, lui. Mais sais-tu... Moi, j'ai l'impression que les médecins là, qui faisaient l'accouchement... Là, le bébé est peut-être né à 23h59 et 55 secondes. Puis il doit... M'attacher les souliers, me laver madame, les mains. Retenez-vous, madame. 5 secondes, madame. Non, pousse pas, madame. Pousse pas, madame. 5 secondes, madame. OK, bonne année. Merci. Et bilan de la motoneige depuis le début de la saison au Québec. 3 motoneigistes ont déjà perdu la vie cette saison. La moyenne annuelle, c'est d'environ 25 décès. Il y a Marie-Lou Perrault de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec qui recommande aux adeptes du sport motorisé d'être prudents lorsqu'ils empruntent des cours d'eau, surtout en début et en fin de saison. Tu sais, les conseils de sécurité classiques, mais c'est pas tout le monde qui les suit. Ouais. Donc, cette année, il a fait froid de bonne heure, donc les cours d'eau ont quand même pas mal gelé, mais il reste que la prudence est de mise, bien sûr, lorsqu'on pratique la motoneige. Et c'est toujours une bonne solution, effectivement, de faire attention dans tous les cas. On va faire un tour des différents journaux dans quelques instants. La motoneige, Marc-André, c'est comme la voiture. Le principal conseil de sécurité, la principale mesure de sécurité est entre les deux oreilles de la personne qui utilise le véhicule. Ouais. Souvent là où ça fait défaut aussi. Il y en a des fois qui laissent leur cerveau à la maison quand vient le temps de partir. Voilà. Sur ce mot de la fin, du côté de la météo, donc, c'est de la faible neige qui devrait cesser quelque part aux alentours de 10 heures ce matin. Des nuages par la suite avec un minimum à moins 6 pour aujourd'hui. Ce soir, la nuit prochaine, des nuages. La neige va débuter au tournant de la nuit vers 23 heures ou minuit selon les différents secteurs de la Mauricie ou du centre du Québec. Jusqu'à 4 cm attendus avec un minimum de moins 11 degrés. Pour ce qui est de demain, vendredi, la neige va cesser en après-midi. C'est toujours la même neige, mais c'est éparpillé sur à peu près une quinzaine d'heures. Donc, devrait cesser quelque part en fin d'après-midi. Selon ce que je vois, là, c'est 14h30, 15h, selon les prédictions de Météo Média et d'Environnement Canada. 2 cm prévus pour vendredi, donc avec un maximum à 1 degré quand même. Et à plus long terme, soleil pour samedi, maximum de moins 1. Et dimanche, alternance soleil-nuage, maximum à moins 7. On a moins 14, ce qui nous mène avec le refroidissement éolien à moins 21 ce matin. C'est moins 13 du côté de la Rive-Sud et moins 13 aussi du côté de Shawinigan. Moins pire que les moins 30 d'hier ressentis. Bien hier, là, je me suis levé puis j'ai justement branché cette station et les gens de l'émission du matin disaient « Ah, moins 38 à tel endroit. Ouais. » T'es voyant, toi, moins 38, on s'est couché, faisait moins 5. C'est ça. Mais c'est drôle parce qu'il disait comme ça, tu disais moins 38, quelque chose comme ça, en après-midi, c'était pas... moi, j'ai pas eu l'impression qu'il faisait moins 38. Là. Veux-tu que je te raconte une autre tranche de vie? Le premier, au soir, on recevait ma famille chez nous, puis nous autres, on a un thermomètre avec un... j'ai pas le terme en français, un sensor que tu mets à l'extérieur pour voir la température. Et notre thermomètre a choisi la soirée du premier pour que la batterie tombe à plat. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il y en a dans ma famille après le souper qui disaient, ah ben là, on irait prendre l'air, faire une petite promenade. Puis, ah, pas de problème, on pouvait aller, je regarde la température. Ah, fait zéro! Ben oui! Double! C'est-tu comme un micro-ondes qui flash midi, sauf que le thermomètre flash zéro? Écoute, c'était écrit zéro, ouais, pas de trouble, fait zéro, mais là, il s'habille pour sortir dehors. Et là, il constate que c'est loin d'être zéro. C'est comme moins 14, tu sais, genre. Fait que notre thermomètre est encore à zéro. Ben écoute, pas d'illusion dans ce temps-là. Non, mais c'est ça. Pas d'illusion, sauf que quand tu tombes dehors, quand t'arrives dehors, tu te rends compte qu'on est loin du zéro. Là. Ouais, mais sais-tu quoi? Ça, là, j'aimerais tellement retourner à une époque où il n'y avait pas de thermomètre. Ouais. Tu sais, dans le sens où, là, aujourd'hui, on est freiné par ça. Moins 15. À moins 14, je serais allé, mais à moins 15, je ne vais pas. T'sais. Le bon vieux temps où tu sors dehors, tu mets le doigt dans la bouche, puis là, tu tentes le vent. Non, mais tu sais, pas à ce point-là, mais aujourd'hui, ça me fait sourire parce que, tu sais, je regardais dans le temps des fêtes, puis les jeunes dehors. Je ne sais pas pourquoi mon attention s'est portée. Je me suis dit, je vais regarder les jeunes aux patinoires, les jeunes à l'extérieur, à la glissade du coin ou peu importe. Et je me disais, il y a donc bien personne dehors. Puis pourtant, honnêtement, dans le temps des fêtes, à part peut-être une journée, deux, où c'était vraiment en bas de moins 20, là. Sinon, c'était moins 12, moins 13, quelque chose comme ça. Tu sais, mettons entre moins 5 et moins 15. Correct. Puis je me disais, à une certaine époque, là, moi, j'aurais mis deux paires de bas de laine, mes patins, puis t'as entendu la rondelle taper ses bandes parce qu'il faisait plus froid, puis c'était écho, là. Ouais. Tu sais, je regardais ça, puis je me disais, hey, on est-tu... Sans toujours cracher sur les générations, mais on est-tu rendu ailleurs avec cette génération-là où t'es rendu, et c'est là ma théorie, un peu plus frileux dans tous les sens du terme. Tu regardes comment il fait, puis là, moi, je n'irai pas finalement. Je vais... on va se regarder, OK, comment on agit les médias, nous autres aussi, avec la météo. Tu sais, quand on parle de facteur éolien puis température ressentie, OK, c'est correct, c'est pour avertir les gens qui vont dehors de s'habiller comme du monde. Encore là, t'en as qui le font pas, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, dans les derniers jours, à un moment donné, je regardais une station de télé qui fait des nouvelles, OK? Puis nous dire qu'il y a une tempête de neige qui s'en vient, puis là, premièrement, elle n'est pas arrivée. Elle n'était pas arrivée, on la prévoyait. On parlait de tempête de neige. Oui, mais c'est froid extrême. Oui, mais attends un peu, 15 cm. Oui. 15 cm, là, c'est une bordée. Mm-hmm. C'est une tempête, là, quand on parle de 25-30 cm, là, on commence à parler de tempête. Ouais. Tempête de neige, 15 cm. Ouais. Je m'excuse, là. On fait peur au monde. Ouais. Non, mais exactement. On fait peur au monde. Exactement. Puis froid extrême, là, comme Mathieu vient de le dire. Là. Froid extrême. Mais le vortex polaire, moi, c'est mon préféré dans la gang. Mais tu sais, c'est la première fois dans l'histoire qu'il fait moins 30. Monsieur. Non, mais ça, t'as raison là-dessus. Hein. Puis souvent, c'est dans le temps des fêtes, j'allais en Estrie dans la belle famille, puis tu sais, il annonçait là, du verglas, là, puis tout ça. Puis finalement, tu sais, il y a eu de la neige. Ça a été pas mal ça. Oui, un peu de verglas sur la fin de la journée, mais tu sais, la majorité des activités étaient faites à ce moment-là. Là, je me disais, hey, ça fait deux jours qu'on nous dit attention, le premier, vous allez voir, ça va être le bordel, l'apocalypse, Noé va ranger ses animaux dans l'arche pour repartir chez eux. Non, mais tu sais, puis là, finalement, tu te dis, ben, c'est pas si pire que ça. Puis même, peut-être que c'est pas pire, pas en tout. Moi, je trouve qu'à la force de crier aux loups, là, ça fait qu'on les écoute plus. Moi, en tout cas, je fais rarement confiance à la météo. Moi, je peux-tu vous raconter encore une tranche de vie? Écoute, voyons, pas une tranche de vie? Ben ouais, moi, tu vas passer à la tarte au complet. J'ai débuté ma carrière radiophonique à Labrador City. Wow! Ah oui, hein? Je peux te dire que là-bas, tu sais, t'es pas sur la Côte-Nord, t'es au nord de la Côte-Nord. C'est quoi longtemps? À la hauteur de Fermont. Quand tu penses que t'es perdu, t'es sur le bord d'arrivée. Non, t'es pas encore arrivé. T'es perdu, t'es pas arrivé. Mais là-bas, c'est sûr que c'est une température plus sèche, OK? Il y a moins d'humidité qu'à Trois-Rivières ou Montréal ou Québec, par exemple. Fait que, tu sais, quand tu te dis qu'il fait moins 30, c'est moins 30. Tu n'auras pas de facteur ressenti à cause de l'humidité. C'est net, là. Ils fermaient les écoles là-bas, mais le problème, c'est le vent. Quand il vente, ça te baisse la température. Ils fermaient les écoles quand la température ressentie atteignait moins 65. Ah oui, hein? Moins 65. Puis moi, je me rappelle, de mémoire, là, moi, j'ai travaillé là un an. Le matin le plus froid, puis que je suis allé travailler, j'ai allé à pied, là, c'était moins 73. Mais non, t'es pas sérieux. Wow. Je suis très sérieux. Tu allais à pied? Oui. J'espère que t'avais pas long à faire. Non. Ben écoute, t'es là, à Labrador City, là, c'est plus petit que Louisville. Non, t'as pas long à faire. Non. Mais quand même, le 5-10 minutes que tu marchais moins 73, tu marches vite. C'est, oui. Mais c'est autre chose. Ah ouais. Mais on y allait pareil. Je me souviens, il y a des samedis après-midi, comme tu disais, Marc-André, où on allait patiner même quand il faisait froid. Écoute, là-bas, je me suis déjà ramassé sur la patinoire à moins 35 un samedi après-midi. Ah ouais. Pas venteux. Venteux, tu restes à l'intérieur, c'est sûr. Mais pas venteux. Tu t'habilles puis tu y vas. Exactement. Non, non, c'est ça. Puis, bref, je regardais ça, puis je trouvais qu'il y avait moins de monde dehors cette année. Puis je me disais, pourtant, les conditions sont pas pires. Puis moi, j'ai pas fait de raquette, qui est un de mes dadas maintenant, parce que il y a pas tant de sentiers que ça qui sont aménagés encore. Il y avait eu beaucoup de froid, mais pas nécessairement suffisamment de neige pour en faire de la bonne façon. Donc, un peu en attente de ce côté-là. Mais je me disais, ben voyons, il y a donc bien personne dehors cette année. Tu sais, dans le temps des fêtes, quand tu t'en vas dans ta famille ou quand tu t'en vas chez des amis, tu croises toujours des jeunes, justement, qui font claquer les rondelles sur la bande ou qui glissent en toboggan ou je sais pas. Là, j'en ai pas vu beaucoup cette année. Puis pourtant, il me semble que la météo s'y prêtait. En tout cas, la température, certainement. Mais bref. Hein? Ouais. C'est comme ça. Voilà. Mais ça veut dire que pour ceux qui veulent sortir dehors, il y a de la place en masse. Ben oui, mais exactement. Puis il faut pas en avoir peur. Puis bref, le grand point de ça, c'était juste de dire, est-ce qu'on est rendu assez frileux finalement pour regarder le chiffre qui est le moins, mettons, 14 ce matin, refroidissement éolien, moins 21. Ah non, je vois pas. Non. Oui, il y en a qui s'est rendu de même. On cherche des excuses. Ben oui, parce qu'avant, tu sais, mettons, tu regardais, puis on, pour pas les nommer, là, on regardait Météo Média, on se disait, ah, OK, il va faire, mettons, moins 10 aujourd'hui. Présentement, bon, je sais pas tellement, parce que le compte-rendu est pas up-to-date tant que ça. Fait que tu allais pareil. Aujourd'hui, tu rouvres le téléphone, tu fais, non, on reste en dedans. Mais tu sais, à l'été, c'est le contraire. C'est les probabilités de pluie qu'on annonce. Oui, c'est vrai. Tu sais, puis moi, j'en ai vécu une couple de fois l'été dernier parce que, tu sais, je joue au golf trois fois dans l'été. Puis les trois fois que je suis allé, il y avait des probabilités de pluie qui étaient annoncées. Puis ça faisait en sorte que j'arrivais au terrain. Puis les personnes avec qui je devais jouer restaient chez elles. Mm-hmm. C'était des membres du club de golf qui se disaient, bon, on peut y retourner demain matin, il va faire beau demain matin. Ouais. Puis effectivement, c'est des gens qui, premièrement, appelaient pas pour annuler, mais voyant qu'il y avait peut-être 40 % de probabilité de pluie, décidaient qu'ils restaient chez elles. Puis finalement, les trois fois, j'ai joué mes rondes de golf sans qu'il y ait une goutte de pluie. Mmh. T'es pas beau soleil, des fois c'est nuageux. Ah ouais. Mais si tu t'arrêtes à ça, dire une chance sur deux qu'il pleuve, oui, mais c'est aussi une chance sur deux qu'il pleuve pas. Mais non, hein? Ben voilà. Puis tu sais, quand tu regardes ça, puis c'est un bon parallèle que tu fais, parce que moi, il y a des amis, tu sais, souvent dans des soirées comme ça, des amis qui me disent, hey, by the way, ta météo, elle me fait vraiment rire. Parce que j'y vais, tu sais, mettons, je vous dis, vous l'avez constaté tantôt, vous le constaterez au long de l'émission, je dis, bon, mais ça devrait s'arrêter vers 15h, puis entre telle heure et telle heure, c'est, mettons, nuageux, entre telle heure. Mais tu sais, les gens disent, voyons, t'es donc bien capoté de faire ça précis de même. Non, mais parce que, pour les raisons que Claude mentionne, tu sais, si tu me dis, il y a 60% d'averse aujourd'hui, c'est pas 60% d'averse sur 24 heures, c'est pas vrai, non, là. C'est ça. Fait que tu sais, c'est 60% d'averse peut-être en après-midi, puis le reste, c'est beau. Fait que, tu sais, on va le préciser. Puis comme encore là, c'est sur un secteur donné. Non, c'est ça. Si c'est la météo pour Trois-Rivières, ben ça dit qu'il y a 60% de chances qu'il y ait des averses en après-midi à Trois-Rivières. Ça se peut qu'à Shawinigan, t'en aies pas. Ben non, puis tu sais, ça me fait penser à ça, écoute, à mon voyage en Irlande, parce que quand je suis allé là-bas, les gens disaient, hey, ici, là, il pleut 300 jours par année. Je fais, quoi? 300 jours par année sur 365? Vous devez être démoralisé pas à peu près. Mais non, tu sais, il tombe 3-4 gouttes le matin. Puis après ça, c'est le soleil. Ah, mais il y a de la pluie 300 jours par année. À tous les jours. Mais il mouille pas assio, permets-moi l'expression, 300 jours par année. Mais tu sais, quand tu t'arrêtes à ça, tu fais « shit, ils doivent être terriblement démoralisés ». Puis finalement, ben c'est pas ça qui arrive. Ceci étant, le tour des journaux qu'on est supposé faire depuis... On a le temps aujourd'hui de jaser. Mais oui, c'est ça. 819-376-1069, d'ailleurs, si vous voulez discuter, vous êtes les bienvenus en tout temps. S'il y a un maire qui veut démissionner... Non, qui attendent au retour de Catherine. Okay. Moi, j'en ai eu assez. Elle revient le 7, d'ailleurs. Donc, dans la nouvelle liste ce matin, à la une, frappé sur l'autoroute 40, un homme de 30 ans a été grièvement blessé après avoir été heurté par un véhicule à la hauteur de Louisville. C'est ce dont Claude nous parlait tantôt dans le bulletin de nouvelles. Il y a également le premier bébé de l'année en Mauricie. Morgane, bien accueilli dans une grande famille, donc famille de 5 enfants, une famille reconstituée. Et donc, félicitations aux nouveaux parents. Et à ceux-là et à tous ceux qui ont eu la chance de devenir parents dans les dernières heures. Et également, À l'assaut de... attends un peu, ça sera pas évident. À l'assaut de Lydie Tarod avec ses chiens, c'est le récit d'un trifluvien. Et c'est pas mal intéressant. C'est en page 4 du Nouvelliste qu'on peut retrouver ça ce matin. Donc, une course de traîneau à chiens et évidemment, dans les territoires du Yukon et de l'Alaska, 1600 km à parcourir. Et j'ai pratiqué tout l'avant-midi avant de commencer l'émission pour être capable de dire... Il dit Tarod. Mais ça n'a pas marché. Non, il faut que je prenne la pause vraiment à chaque fois avant. Mais bref, tout un défi qui s'impose pour cet homme-là. Dans le Journal de Montréal, le cellulaire au volant tue encore plus. Bon. En page 3 du Journal de Montréal. Non, mais je souris parce que, tu sais, tue encore plus, ouais, mais évidemment, tu sais, il y a de plus en plus de décès, puis on doit continuer à faire de la prévention. C'est pas la faute du cellulaire, là. Non, mais c'est ça. C'est exactement mon point. Ou l'alcool au volant tue. Non, c'est le tata qui a décidé. Les gens poursuivent des compagnies comme Apple ou Google pour dire, tu sais, bon, il aurait pas dû me laisser texter pendant que je suis en voiture. C'est ça. Voir que, tu sais. Ben, le plus bel exemple de ça, c'est que dans ma voiture, quand je mets la clé dans le contact puis je tourne, il y a une espèce d'écran là, dans le milieu, un écran tactile. Ça m'écrit, ça me fait ma petite morale à chaque fois. Parce qu'il détecte le téléphone dans la voiture aussi. Ah, fait que là, ça dit, c'est ça qui joue la musique des fois. Ben, exactement. Fait que là, ça dit, n'oubliez pas que regardez le téléphone équivaut à 200 terrains de football et tout le reste. Fait que tu sais, c'est effectivement. Mais ça, t'as raison. C'est jamais la faute du conducteur, on dirait, dans tout ça. Il y a également un article sur Adonis Stevenson qui recommence à parler, qui dit, je veux rentrer à la maison. C'est en page 69 du Journal de Montréal ce matin. Et... le traditionnel homme aux bras croisés en une du Journal de Montréal ce matin, oublié par la ville, comme d'autres Montréalais, André Ladouceur attend depuis plusieurs jours que les trottoirs de la rue Panay, près du centre-ville, soient déglacés. C'est en pages 4 et 5. Alors, c'est une journée de peu de nouvelles pour eux aussi. Hein? Non, mais c'est important. Les rues ne sont pas encore déneigées à Montréal, déglacées. Ah, OK, excuse-moi. Mais... je pensais juste les trottoirs. Les trottoirs, non, c'est vrai, les trottoirs, excuse-moi en plus, j'ai fait un lapsus. Ah. Les trottoirs sont pas déglacés, c'est important. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est important, ben puis oui. Il serait temps qu'il y ait des coupiers au derrière qui se perdent. Mais ça fait toujours rire. Le traditionnel personnage avec les bras croisés, ça m'a toujours fait sourire pour montrer qu'il est en maudit. Dans la presse plus, ce matin, tromperie et manipulation dans les centres anti-choix. Ils comparent l'avortement au meurtre, prétendent que la procédure occasionne de graves risques pour la santé. Et bien d'autres affirment que l'interruption de la grossesse, c'est un crime. Ça va bien dans les unes ce matin. Politique québécoise, agression à la DPJ, une étude gardée partiellement secrète 2 mois après un blâme de la justice envers une DPJ responsable d'une fillette qui a finalement été, disons, mal orientée, appelons-le comme ça. Ben, il y a une enquête qui a été menée et évidemment, les résultats sont demeurés sur la tablette. Tiens, tiens. Et la CNESST, la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, va devoir rembourser une cure de désintoxication. Si un Québécois soigne un accident de travail et développe une addiction, une dépendance à ses traitements, aux antidouleurs, par exemple, effectivement, ben, la CNESST devra dédommager ça aussi. Ça, c'est quand même assez spécial. Moi, je vois un haut potentiel de débordement ici. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps... Ouais. Je sais pas si tu peux faire semblant de devenir accro. Le médecin va s'en rendre compte, je pense. Ben non, mais écoute, j'y vois de spéculation. Ouais. Peut-être que je suis dans le champ, et tant mieux si c'est le cas. Mais tu sais, cannabis thérapeutique, ça pourrait bien se payer, ça, qu'une CNSST. Ça de même. Dans Le Devoir, ce matin, pour compléter la tournée, Donald Trump campe sur ses positions et veut son mur. Il le veut, son mur. Le gouvernement pourrait être partiellement paralysé encore longtemps, c'est ce qu'a prévenu le président des États-Unis. Et il se rend pas compte qu'il se nuit, mais bon, écoute, s'il peut lui-même... se pousser vers la sortie, je n'en verrai pas des inconvénients. Le plan d'Ottawa pour les gaz à effet de serre se met en branle depuis le 1er janvier. Les émetteurs industriels sont soumis à des plafonds d'émissions. Maintenant, j'ai hâte de voir si véritablement on sera sévère pour ça. Et également, le nouveau président du Brésil à l'assaut de l'Amazonie, parce que le gouvernement veut favoriser l'exploitation des ressources naturelles. Et jusqu'ici, l'Amazonie... c'était pas touche. Et le nouveau président du Brésil dit, non, c'est parce qu'il y a la possibilité de mettre des usines, puis il sera bon de cheminer ici. Ils sont en train de plancher là-dessus, et là, évidemment, ça ne fait pas consensus, et même au contraire, ça rue dans les brancards, parce qu'il y a des gens, pas juste des environnementalistes, là, vraiment des gens qui se disent, c'est parce que l'Amazonie, ça fait partie du cachet, si on veut, du Brésil et tout ça, et tu es en train de détruire tout ça au nom de quoi? Une économie incertaine, puis tu vas donner ça dans les mains d'industriels crapuleux. Alors, c'est ce qui est en train de se débattre, notamment au Brésil, présentement. Et souvent, on ne vous parle pas beaucoup d'international ou on ne relativise pas ce genre de sujet-là. Mais ça, c'est quand même très, très important pour cette communauté-là. À 6h30, presque 31, on va s'arrêter un instant. Au retour, Mathieu et sa chronique en liberté.